plage là-bas, mon cœur se plaint. C'est à 20 000 de la ville, des dunes sans rien. Une maison de bois cassée et moi dedans. Elle est partie pour l'Europe par l'océan. Je suis désolé, comme ces quelques planches abandonnées laissées sur le sable aride, un bungalow vide. Mon amour au bungalow venait le soir. Depuis je suis en poussière, en fumée, enroulé dans ses couleurs parfumées. Enroulé dans ses couleurs vertes parfumées. Ces quelques planches abandonnées laissées sur le sable aride, un bungalow vide. Une petite maison sauvage, pas très solide. Y'en a tout au long de la plage jusqu'au fleuve. Elle voulait qu'on vive en ville tout le temps. Trouvait ma vie imbécile pourtant. On peut s'aimer dans le rose, dans le bleu. Ces cabanes qu'on peinture pour être heureux. Cabane qu'on peinturlure pour être heureux. Je suis désolé, comme ces quelques planches abandonnées laissées sur le sable aride, un bungalow vide.